Galaxy, fréquence 95.3, le meilleur de la musique électronique. On est en direct. Merci Guillaume, un petit clin d'œil à lui. Tu le retrouves jeudi prochain, jeudi 23 août, entre 13h et 17h pour un maximum de bonne musique. Tu viens d'écouter à l'instant une production du label Laka avec les Soldiers of Kakadu, le morceau Tokyo Escape. Une série d'émissions spéciales lundi, mardi et mercredi avec moi au platine de Galaxy entre 17h et 20h aujourd'hui, 17h-21h demain. Et puis même chose, mercredi 17h-21h, une spéciale Sound System, les 100% rétro. On est parti pour 3 heures de souvenirs. Tu fermes les yeux, tu te laisses emporter. Il est 17h sur Galaxy, c'est parti. Galaxy, out of time, out of time. Sound system. sur Galaxy. We'll be right back. En veux-tu, en voilà, fréquence 95-30, le meilleur de la musique électronique avec à l'instant Brasil, Spectrum et Galaxy partout à travers le monde, à travers le portail web de Galaxy, le live.galaxyfm.com. En un clic, on est diffusé à travers le monde, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque jour et on vous en remercie. On continue sur le même principe, 100% rétro jusque 20h dans le cadre des émissions spéciales Sound System, avec tout de suite la claque, le grand classique Mackenzie, un de mes préférés, avec à la voix Jessie pour le morceau Arpeggia. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Thank you. Galaxy. Save the rhythm. Save the rhythm. Sound system, sound system, sound system. We'll be right back. de souvenirs sur Galaxy Fréquence 95-30 avec le groupe Sadness et les morceaux I Never Thought I Never See The Day. N'hésitez pas à nous appeler au 03 20 83 57 57 si vous désirez connaître toutes les références précises des morceaux diffusés. Et ce numéro te permettra de remporter tout à l'heure du cadeau, quelques compilations avant le cap des 18h. Et pour nous emmener justement jusqu'au cap, cette fois-ci des 17h30, place à un ancien de la radio que tu avais le plaisir de retrouver le samedi après-midi. C'était Dave Swayze avec son excellentissime morceau Gold Wave. Galaxy. Galaxy music for happy people. Happy people. Happy people. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Don't stop. Stop music. music or happy people. Happy people. Happy people. merci d'être rivé, scotché, agrippé à ta radio, fréquence 95-30, le meilleur de la musique électronique. Émission spéciale aujourd'hui, spéciale Sound System depuis 17h et jusque 20h. Même chose demain, 17h-21h et mercredi 17h-21h. Trois émissions en direct, 100% rétro, à base de souvenirs. Tu viens d'écouter à l'instant le remix de Marmion Schoenberg, un remix sorti en 2003. Place tout de suite Ona Linen Kane pour le remix d'Every Time, le morceau Lustral. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. music remains on top. Music for happy people. Happy people. Happy exterminate. Sound System, souvenir à l'instant avec le groupe Snap et le morceau Exterminate. Émission spéciale aujourd'hui jusque 20h. Tu peux nous écouter à travers le web sur le live.galaxyfm.com à travers le monde. N'hésite pas aussi à te connecter sur le site web de l'émission soundsystem-mix.fr. Tu peux y retrouver des petits forums, des téléchargements de mix. Et puis n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un clic, un mail, ça fait toujours plaisir. Place tout de suite à un bon grand classique rétro. Si tu es dans ta voiture, tu m'écoutes, bienvenue. Et bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Tu mets la voiture sur le côté, tu l'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence, tu mets tes warnings, tu sors dehors, tu te prépares à jumper. Si tu es dans ta chambre, tu écartes les meubles, tu pousses la table, tu mets ton petit t-shirt Banzai, tu enfiles tes baskets. C'est parti pour jumper. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Thank you. music or happy people. Happy people. Wanna kiss myself? Sur Galaxy, 18h16, on est en direct, fréquence 95-30, avec In Souvenir Rétro, Human Resource, le titre Dominator. Tout de suite, c'est de la rétro-trance avec le groupe Space Buggy. Tu fermes les yeux et tu te laisses emporter par le son de Galaxy. C'est 100% rétro jusque 20h. With Galaxy. With Galaxy. Music, music. Music remains on top. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. System. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Merci, fréquence 95-30, 18h34, avec à l'instant Grease 2000, c'est un souvenir rétro, on fait un break au niveau de la rétro, le temps de faire un tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end, avec notamment du côté du samedi 25 août au Bliss Club, la Malcolm Bay Session avec au platine Malcolm Bay forcément, DJ 6PO et DJ Flamme à la bûche, le concept Jump et Electro House Session avec au platine Xtian, Sniper F et Frank J, au Captain soirée spéciale, l'anniversaire de DJ LB avec Mega versus Toff, DJ Massive, Major Bryce, Max Walder, Tech Soldiers, Greg C, QIC, Playboys, Lady Dark et puis les résidents du Captain. On continue avec l'Escape samedi, le trio des résidents Dave, Luke, Kevin et également Huggy Anton dans la petite salle. À l'âge de zoo, le concept Saturday avec Chris, Johan et Sima. Et on termine avec le Pulse Factory. Grosse soirée à ne pas manquer du côté du Pulse puisque c'est l'anniversaire de DJ George. Il a invité un florilège d'excellents DJ. Il y aura Guillaume de Galaxy, Dorian Gray, Franck Truong, Fifi, Steven, Lucas, MD, HS, CP, Michael Fanza, Laurent Top et Victor. Tu retrouves toutes ces informations en un clic, www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. On continue en musique et en rétro comme prévu jusque 20h avec tout de suite Body Motion, Souviens-toi. Galaxy, Galaxy. Don't stop music. Check this out. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. Galaxy Music for happy people. Happy people. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. I'm here once again. In front, I'm keeping on with my words, so strong, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again. In front, I'm keeping on with my words, so strong, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again. Remains on top. We'll be right back. 8h54, merci à toi si tu viens de nous rejoindre. Tu es calé fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique. Émission spéciale aujourd'hui depuis 17h et jusque 20h. Ça continue dès demain également entre 17h et 21h. Mercredi soir aussi entre 17h et 21h, des spéciales Sound System. Et pour te remercier de ta fidélité, j'ai à t'offrir tout de suite au 03 20 83 57 57 un vinyle. Une production du label On Air H2O Club avec l'artiste Fred H. Tu repars gratos avec ce vinyle. Direction standard jeu 03 20 83 57 57. Le 20e repart avec le vinyle. Excellent vinyle que je te conseille. Et on continue en rétro avec le groupe Capella. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Remains on top. Merci, merci d'être rivé, scotché, agrippé à la fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique, avec un instant de la rétro-techno, et ça continue encore pour 1h, 20h, tout à l'heure, à partir de 20h jusqu'à 22h, ce sera DJ Conny pour une spéciale mix en direct. On aura le plaisir de l'accueillir à partir de 20h. N'hésite pas à te connecter sur le portail web de la Galaxy pour nous écouter à travers le net et à travers le monde sur le live.galaxyfm.com et également le site web de la radio galaxyfm.com et le site web de l'émission Soundsystem, soundsystem-mix.fr. On continue en musique. Souviens-toi, tu te laisses emporter. Zion, No Fate, direction l'année 1993. On vient juste de passer le cap des 19h. Galaxy, out of time, out of time. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. Happy people. Close your eyes.